Garde, tu dis que j'ai gnon. Si tu savais, je sors de loin. Ouais. Je wakayais ma chose au boulevard du 20 mai. Pas le 20 mai, le 10 mai, je le dis mai. Au camion, c'est jamais. J'ai misé une petite mini pépite avec des lolos, le genre qui s'agit. Les cheveux de Langa faisaient le nyanga, coulait sur les lasses comme Sanaga. Les pieds de Lago portaient une sebago. Le style de Nyango, Mouna de Capo qui devait devenir Mouna de Copo. Mon cœur me dit fonce, mon cœur se prononce. Passe, mais ne guette pas. Guette, mais ne soche pas. Si tu soches, mais ne colle pas. Ou alors colle, mais ne tchatche pas. Je begin à bébé, bébé la bébé, la mouna est tombée, il fallait la couper, la go était parée, poilu, poilu, pas pâle, pas le pala pala, bien mu, pas les nyama nyama, son aime était aimant, elle buvait mes paroles comme la Guinness, tu monoco pour man for finesse, dans la souplesse je blesse, lingues ne peuvent que dire yes, Langala devait dire yes, mais Langa m'a dit la mi laisse, parle, mais j'écoute pas, j'écoute, mais je suis pas, je suis où alors, mais je crois pas. Je crois si tu veux, mais je vote pas. Emma était comme une goga, l'ondombolo, les lascars. Elle faisait les manières constos, alors qu'elle avait les testos. Emma était comme une ngesga, tu misais les seins et les tresgas. Mais voici le Wiki Mawanda, elle avait le mamba, le pika. Emma, qu'est-ce que c'est que ça? Emma, ma haine voit mes jumeaux, Emma. Il y a eu la magie. Emma, oh Marima, Emma, oh amour, Emma. Zizi, Zizi, Emma, tu m'as tué, oh. Bogada, Paquita, all les chantiers d'Angola. Carrefour de la joie, oui, vive la vida loca. Emma et moi, Anne et moi, on est Gosaka. Dans un tourneau d'eau, un resto que du caniveau. Dans le secteur de Bopogo, il fallait sochement des mimbayances. Dans les numbayances et la méfiance, je te dis, moment de se bourrer la panse. Tu as ce que Langa me lance. Je touche, mais je goûte pas. Je goûte, mais je mâche pas. Ou alors, je mâche, mais j'avale si pas. Tu veux, j'avale. Mais je n'aime pas. Nous voici qu'on est qu'elle mal l'hôtel. Elle me tchat qu'elle n'est pas une bordel. Mais qu'elle voulait qu'on go chez elle. Aïe sauce au cansonnel. Taxi, prends-nous. Laisse-nous, on est pressé. Bim. Comme on est qu'elle mal la cam de mamie et ma. Elle voulait c'est. Je mope, mais je fouille pas. Je fouille, mais je pique pas. Je pique, mais je tue pas. Tu veux. Je tue, mais je tue pas. Emma était comme une gonga. Dondombolo. Les lascars, elle faisait les manières constos, alors qu'elle avait les testos. Emma était comme une ngesga, tu misais les seins et les tresgas. Mais voici le Wiki Mawanda, elle avait le mamba. Emma, qu'est-ce que c'est que ça? Ma chance. Emma, ma haine voit mes jumeaux. Emma. Emma, oh Marima, Emma, oh amour, Emma. Zizi, Zizi, Emma, tu m'as tué, oh. Me voici donc à Douala, me voici donc sur Emma Manga. Je moufle l'inting, je chope la bouche, tout ce qu'on touche quand ça couche. Hey. Le t-shirt go en brousse, le soutien c'est Kotga. La mini jupe s'est déchirée. Je te jure que c'était hot shot. Big bis, des bisous, j'abuse de baisse main, de sang décalé, décolle quel calcite. Je devais déjà moufle le calé. J'ai moufle, oui, j'ai misé la magie, le style d'un ting où tu perds la boule. Simol ngondele, don't get something. Wonderful. Je wanda, mais ne crie pas. Je crie, mais ne lappe pas. Je lappe, mais je tousse pas. Je tousse, mais je crache pas. Mais qu'est-ce qu'une bundi gamine? Comme cette Emma qui paraît clean, oui. Peu doux avec un gros une vraie baramine, je te dis. Malchance, bad luck, Ndoutou, Emalé. Hey. Qu'est-ce que c'est que ce sexe qui est doublé là? C'est le Helele. Gars, c'était une belle go, mais le truc là était bien gros. Il ou elle me tchatche que si je do le way dans le popo. Il ou elle me let go avec sa belle Sebago. Je fia, mais je tremble pas. Je tremble, mais je bouge pas. Je bouge, mais je ronne pas. Je ronne, mais je traîne pas. Emma était comme une goga, l'undombolo. Elaska, elle faisait les manières constos, alors qu'elle avait les testos. Emma était comme une ngesga, tu misais les seins et les tresga. Mais voici le Wiki Mawanda, elle avait le mamba. Emma était comme une goga, l'undombolo. Elle faisait les manières constos, alors qu'elle avait les testos. Emma était comme une ngesga, tu misais les seins et les tresga. Mais voici le Wiki Mawanda, elle avait. Enfin, ouais. Emma, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la magie. Emma, ma haine voit mes jumeaux.